Bonjour à tous, bienvenue dans Beauté Imaginée pour parler aujourd'hui éco-conception dans les cosmétiques. Pour cette 73e interview, je suis très contente de recevoir Sandrine Lecointe, dont le livre « Le guide de l'éco-conception cosmétique » sort aujourd'hui même, en ce 5 octobre 2023. Bonjour. Bonjour Sandrine, bienvenue dans Beauté Imaginée. Chers auditeurs, moi c'est Alice, je suis passionnée par l'univers des cosmétiques et du bien-être, donc j'interview dans chacun de mes épisodes un invité à visage caché sur sa vision de la beauté et des cosmétiques. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer, une beauté imaginée. Ma belle invitée, c'est Sandrine. Sandrine, tu es entre autres la fondatrice de la marque OAN, acronyme de « Offrir un avenir à nos enfants ». Aujourd'hui, c'est la sortie officielle de ton livre « Le guide de l'éco-conception cosmétique » aux éditions Erol. Donc après mon interview, chers auditeurs, ce sera la rubrique « Les auditeurs t'imaginent ». On vous propose une devinette concernant Sandrine aujourd'hui. Dans le prolongement de ses engagements environnementaux, quelle activité fait Sandrine ? C'est une date particulière aujourd'hui pour toi, Sandrine, avec le lancement officiel de ton livre. Bonjour à tous, merci Alice pour l'invitation. Et effectivement, aujourd'hui, c'est le lancement de mon premier ouvrage, donc un livre sur l'éco-conception en cosmétique, en parfumerie, mais aussi en compléments alimentaires. Et c'est un livre qui traite un petit peu de cette transformation qu'on doit acter dans l'industrie de la beauté. Parce qu'il y a encore beaucoup trop de dérives, on va dire, de choses qui peuvent être changées. Et donc, c'est un guide pour tous les professionnels, un guide pour tous les élèves, pour les formulateurs, pour les personnes en packaging, enfin vraiment pour toutes les personnes de l'industrie de la beauté. J'ai lu une phrase, une de tes phrases que j'aimais bien. Tu disais « L'industrie de la cosmétique a pour vocation de rendre beau le monde. Elle ne peut pas l'enlaidir par manque de lucidité et n'être réduite qu'à un simple filtre. » Donc, c'est un peu l'objectif avec ce livre, c'est rendre la lucidité finalement, donner toutes les infos aux professionnels notamment. Il y a cette question de beauté aujourd'hui. Tout le monde dit que la cosmétique, c'est futile, voilà, c'est... Bon, c'est pas important, c'est pas une industrie importante, etc. Et je pense qu'ils ont tout faux. parce que on rend beau le monde, mais notre industrie est vachement sollicitée dans certains secteurs ou juste des personnes qui sont atteintes d'une certaine maladie, etc., et qui ont besoin de cosmétiques. Nous, en termes d'hygiène, on a besoin de cosmétiques. La beauté, elle est partout et elle est aussi, et c'est ce qu'on parle aussi dans les chapitres de ce livre, hein, c'est qu'on parle de la beauté aussi de l'environnement, de la nature telle qu'elle est, et c'est rendre aussi cette beauté-là accessible et arrêter de la détruire en proposant justement des produits cosmétiques qui sont truffés de produits d'ingrédients pas top et qui impactent notre environnement. Est-ce que tu peux nous définir l'éco-conception ? Oui, c'est un concept. C'est une méthode. Alors, elle est tirée du développement durable, déjà, à la base. On l'utilise pour éviter de laisser pour compte la biodiversité, toute la partie sociétale d'une entreprise, tout ce qu'on met en avant, en tout cas, dans la conception d'un produit ou d'un service, hein, c'est pareil. C'est vraiment tout prendre en compte, ne rien oublier quant à notre impact carbone, notre impact en eau, notre impact sur le vivant. C'est toute une méthode, en tout cas, qui met ça en avant et qui préserve l'environnement et bien plus que ça. Donc, en fait, c'est très large le prisme quand on parle d'éco-conception. Enfin, tu le disais, c'est pour tous les aspects sur lesquels l'entreprise peut avoir un impact. C'est pas juste un packaging, par exemple. Normalement, c'est global comme approche. Faut voir ça comme quelque chose de très systémique. Et effectivement, on touche à tous les corps de métier. Quand on met en place une méthode d'éco-conception dans son entreprise pour un développement cosmétique, hein, quel qu'il soit, ou un développement de parfum, ou un développement de make-up, ou que sais-je, en fait, ça peut être n'importe quoi. On peut mettre de l'éco-conception dans nos vies, on peut juste penser à ne rien oublier et toujours avoir des questions qui à se tourner. Bah oui, mais ce produit, il a des matières premières, quelles sont-elles ? D'où proviennent-elles? Comment elles sont transformées? Qu'est-ce qu'elles nous apportent? Est-ce qu'il y en a véritablement besoin ou pas? Et se poser aussi la question jusqu'à sa fin de vie. Est-ce qu'il a une bonne fin de vie, entre guillemets? Est-ce qu'il est pris en charge dans les filières de recyclage? Quel est son impact à tous les niveaux, en fait, au niveau terrestre, au niveau environnement, océan, rivière, enfin, peu importe. Quel est son impact en fin de vie aussi, quoi. Donc, tout est pris en compte. Toi, c'est un sujet qui te passionne depuis plusieurs années maintenant. Comment ça a débuté? Moi, j'ai démarré, mais sans trop le savoir, en fait. Moi, j'ai démarré avec des choses assez intuitivement en créant ma première marque de beauté qui s'appelait Madagascar Cosmétique à l'époque. Je suis franco-malgache. Et donc, j'ai voulu mettre en avant les plantes de mon île, la biodiversité de mon île, à travers une marque de beauté, mais accessible à tous. Pour faire cela, et ben, du coup, je suis allée vraiment au contact de mon île, mes agriculteurs, comprendre comment ils travaillaient les sols et prendre conscience qu'une graine, si elle pousse mal, quels bénéfices on peut en retirer d'elle une fois qu'elle est appliquée sur notre peau, une fois qu'elle est transformée, etc. Et donc, c'est quand, voilà, donc j'ai pris conscience déjà de l'état de nos sols, l'état des sols à Madagascar, où je me suis dit, ben, y a un vrai problème, tout n'est pas bio. EcoCert n'existait même pas à l'époque, hein, je vous dis ça, c'était en 2013. EcoCert n'existait pas, du coup moi j'ai dû travailler avec des agriculteurs, regarder un petit peu quel type de plantes l'océan Indien possédait et qu'est-ce qui était déjà en train de s'éteindre, quels étaient, enfin voilà, je pense notamment au baobab, tout le monde prend l'huile de baobab en disant waouh, elle est merveilleuse, etc. Bah oui, elle est merveilleuse, mais il faut voir que derrière, nous à Madagascar, on n'en a bientôt plus des baobabs. Hors de question que je mette en avant l'île Madagascar sans mettre en avant des baobabs. Et des gens me disaient « Ah, mais à quand on aura des huiles, des produits à base d'huile de baobab ?» Je ne vous en aurai jamais. Pas avec moi, en tout cas. Parce qu'il est hors de question de prôner la naturalité et de prôner une préservation du vivant si c'est derrière pour utiliser des plantes qui déjà sont en mauvais état de santé. On va dire ça comme ça, quoi. Donc j'ai commencé très tôt et j'ai pris conscience de ce terme, que c'était de l'éco-conception, que ce que je faisais déjà depuis 2013 en fait. Très récemment, j'ai pris conscience de ça en 2021-2022. Je témoigne déjà à la base, je témoigne beaucoup dans les écoles, dans les entreprises, etc. ou des conférences sur mon parcours d'entrepreneur dans la beauté. Et je suis partie de 100 000 entrepreneurs, donc on va beaucoup dans ces écoles aussi parler d'entrepreneuriat au féminin. Et à chaque fois, on me disait, mais oui, mais en fait, ce que vous faites, c'est de l'éco-conception. Et là, je me suis dit, bah ouais, c'est peut-être ce que je fais depuis tout ce temps-là, mais je n'en avais pas le mot, j'en avais pas conscience. Et quand j'ai mis tout bout à bout, c'est là où je me suis dit, je connais cet univers-là, parce que pour moi, ça a été tellement du bon sens et tellement des choses intuitives que, qu'il a été simple pour moi, du coup, de venir maintenant dans les écoles, c'est ce que je fais depuis 2 ans, à former justement et à montrer cette méthode en disant que c'est accessible à tous, en fait, quoi. Sophie nous dit, passionnant comme sujet, ça fait réfléchir. Et oui, en tant que consommateur, on a un vrai impact le choix de nos achats. Carrément, donc c'est bien plus que, c'est plus une conviction derrière qu'il faut avoir, c'est de se dire, ok, moi j'aime la nature, je veux en prendre soin, je veux offrir un avenir à nos enfants, très bien, mais derrière ça a un impact sur, il faut prendre conscience que tout ce qu'on consomme aujourd'hui a un impact sur l'environnement. Un t-shirt qu'on porte, un shampoing qu'on utilise, un lave-vaisselle, notre voiture, notre maison, tout a un impact. Il y a une phrase d'ailleurs qui est le meilleur produit est celui qu'on ne produit pas finalement, en termes écologiques. C'est exactement ça. Oui, parce que dès qu'on crée, on est obligé d'avoir un impact, de faire des déchets, de transporter quelque chose. Le zéro impact n'existe clairement pas. Et ceux qui se disent c'est un produit zéro impact ou alors c'est neutre en carbone ou que sais-je, non, juste pas. Ça n'existe pas. Mais ça n'existera pas. Probablement jamais. Nos choix, notre consommation, il faut ouvrir les yeux, il faut lire les étiquettes, il faut faire les bons choix, il faut se dire que voilà, si je veux faire moins, alors déjà, je supprime le plastique, parce que ça, c'est un vrai sujet. Il faut réemployer au maximum, et le plus dur, je pense, c'est savoir refuser. C'est de se dire, j'en ai pas besoin, de se dire, j'ai trouvé d'autres alternatives ou je vais en trouver d'autres. Je crois que le plus dur aujourd'hui dans la société actuelle, c'est que les gens ne savent pas refuser et on a l'habitude d'avoir tout, de tout avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps et de plus rapidement. On voit là avec des livraisons, je ne vais pas citer, mais du coup, on veut tout, en 24 heures, on peut être livré. Est-ce qu'au final, on a besoin de, réellement de tout ça? Quand on veut être livré en 24 heures, bah, c'est que derrière, ça va produire énormément de carbone. Notre rôle en tant que consommateur, c'est de déconsommer. On doit réduire tout ça. On doit réduire nos émissions carbone. Donc voilà, enfin, c'est un gros sujet et effectivement, ça touche à plein de trucs. Enfin, l'éco-conception, c'est vraiment quelque chose de systémique. Ça touche beaucoup, beaucoup de sujets. Quels sont du coup les enjeux là dans l'industrie de la cosmétique? Les enjeux, ils sont énormes. Nous déjà, on est une industrie qui consomme beaucoup. C'est 1,5 nous la cosmétique et c'est 4,5 l'industrie du transport de gaz à effet de serre. La beauté, c'est une industrie pétrochimique. Voilà, donc ça, c'est 18% de la production mondiale d'hydrocarbures. C'est pas rien. Et derrière, elle est responsable jusqu'à 1,5% des gaz à effet de serre par l'utilisation de ce qu'on sait, la consommation, la fabrication, la composition d'un produit, enfin tout, les emballages notamment. Et en comparaison, c'est pour ça que des fois, j'aime bien faire le parallèle avec l'industrie de l'aéronautique, parce que des fois, on se dit que bah ouais, mais l'industrie de l'aéronautique, c'est énorme. L'industrie de l'aéronautique aujourd'hui, c'est 4,5% de gaz à effet de serre. Donc, en comparaison, tu vois, 1,5 pour la cosmétique et 4,5 pour l'aéronautique, ça reste toujours énorme. 1,5, c'est immense, surtout qu'au départ, on se dit que c'est, enfin, comme tu disais au début, une industrie qui n'est pas indispensable, alors que si, en effet, on ne peut pas s'en passer. Mais il y a un vrai. Il y a une vraie marge de progression. Et puis, dans ce chiffre-là, il y a aussi, enfin, le plus gros, en tout cas, c'est celui de l'emballage, qui, lui, devient un déchet. Et aujourd'hui, l'industrie cosmétique, elle génère plus de 120 milliards d'unités de déchets par an. Et tout ça, il faut les prendre en charge, tout ça, il faut les recycler. Et aujourd'hui, les filières ne sont pas prêtes à accueillir toutes ces tonnes d'emballages plastiques. Et je crois en 2022-2023, on était à 9% des emballages plastiques qui étaient produits, qui ont été recyclés. 9%. Que dalle, quand on regarde bien tout ça, quand on met tout bout à bout, on se dit, OK, c'est pour ça que derrière, il faut trouver des alternatives, il faut trouver d'autres systèmes. Mais en tout cas, dès qu'on peut éviter le plastique, il faut le faire. L'emballage des contenants, c'est un des sujets sur lesquels tu travailles avec ta marque One. J'en parle un peu moins. Parce que c'est un projet un peu en sous-marin, parce que c'est très long. On travaille un matériau cosmétique justement pour supprimer, pour remplacer le plastique à usage unique dans les salles de bain. Donc c'est un matériau breveté, etc. Ça fait 3 ans que je suis en recherche et développement sur ce projet-là avec mes associés et mes labos. C'est très long. C'est un des énormes leviers en fait pour réduire l'impact de l'industrie. C'est un gros levier. Le sujet de l'emballage en cosmétique, c'est une industrie polluante, faut pas l'oublier. Donc tout est en pack. Depuis des années qu'on utilise le plastique en cosmétique dans tous les secteurs, que ce soit en make-up, en hygiène, en skincare, même pour les bébés, etc. Aujourd'hui, le plastique, il est partout. Et on regarde beaucoup plus large, on se dit que l'humain, carrément, ne sait même plus vivre en fait, sans plastique. Il est conditionné avec du plastique partout autour de lui. On ne sait pas se nourrir sans plastique, on ne sait pas se vêtir sans plastique, on ne sait pas se transporter. Tout ce qui nous entoure, en tout cas, il y a du plastique autour de nous. On nous demande, est-ce que cette prise de conscience, selon vous, a-t-elle lieu dans les autres pays développés ? En Europe, oui, la prise de conscience, elle est. Moi, je la vois au niveau Europe. Évidemment, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus lent dans les autres pays. Pour moi, c'est trop long. Mais oui, bien sûr qu'ils le savent, mais après, il y en a. Enfin, c'est comme tout. Ils ont des œillères, ils veulent travailler différemment, ils veulent mettre en avant d'autres choses. C'est trop lent, c'est tout. Et dans ton métier d'accompagnement de porteurs de projets, tu reçois beaucoup de personnes qui décident de lancer leur gamme cosmétique et donc tu les accompagnes sous ce prisme global de l'éco-conception. Certains déchantent, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe? Il y en a beaucoup. En gros, ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'on est à plus de 1000 marques par an qui se lancent dans l'industrie de la cosmétique. Cosmétique, parfumerie, enfin vraiment énorme. L'univers cosmétique, plus de 1000 par an. J'ai pas les chiffres exacts, et c'est très difficile à obtenir. On a essayé, mais c'est assez difficile. En France, hein. Et dans cette, dans ces 1000 marques, ben, pff, allez, il y a 70% qui déchantent et qui ne durent pas plus d'un an. Donc, c'est beaucoup d'investissements qui sont perdus, c'est beaucoup de ressources, parce que du coup, c'est des produits, des ingrédients qu'on aura utilisés dans des produits qui finissent à la poubelle. Alors qu'aujourd'hui, cette ressource, cette biodiversité, nos ingrédients, on n'en a plus que jamais besoin. L'eau, on n'en a plus que jamais besoin. Donc, créer des produits pour les voir finir à la poubelle un an après, ben, c'est dommage. Et toi, du coup, dans ta mission, c'est de... Enfin, en général, c'est des personnes qui viennent à toi parce qu'elles ont conscience de l'importance de l'éco-conception ou c'est toi qui essayes de réveiller ça déjà, chez elles? Il faut savoir juste que j'accepte pas toutes les marques. Il y en a beaucoup que je refuse parce que soit il n'y a pas d'ADN et il y a juste une envie éphémère, j'ai envie de dire, de se dire bah, « why not, moi aussi je vais essayer », peut-être par opportunisme. Ces projets-là, moi, je n'en veux pas parce que je ne vois pas l'intérêt de ces produits. Il n'y a pas de différenciation, il n'y a pas de marqueur en fait qui va vraiment le différencier. Et puis quand on gratte un petit peu au niveau du porteur de projet, bah tu sens il manque un truc quoi. La passion elle est pas là, la détermination à changer un truc elle est pas là. Bon voilà, déjà souvent ça s'arrête à la première demi-heure et voilà. Et pour ceux que j'accompagne, il y a une différenciation et moi je vais apporter aussi cette vision globale de l'industrie avec une vision différenciante, avec des ingrédients, des ça peut être tout, tout dépend du projet, mais s'il y a un brevet à aider à développer un brevet, etc., là, je vais être là. À casser un petit peu un univers trop... comment dire, trop connu, et se dire, ben voilà, on va aller, là, on va proposer du vrac dans tel endroit, parce que là, il n'y en a pas. Là, on peut proposer du refil chez tel distributeur, parce que du coup, il n'y en a pas, il faudrait que ça arrive. Et plus vite il y en a, mieux c'est, quoi. Donc, c'est faire, pas pivoter, mais quand il y a un projet qui arrive, ben, c'est déjà lui donner déjà la possibilité de son idée, de se dire qu'elle est très bonne au départ, mais elle sera encore meilleure si elle va dans tel secteur, tel segment, tel truc. On travaille l'éco-conception avec moi, il y a forcément une partie importante qui est celle de l'analyse de cycle de vie. Et ça, c'est, ça devient un peu une obligation, ça va devenir une obligation. À partir du moment où il y aura les lois qui vont changer, on ne sait pas quand est-ce que ça va nous tomber dessus, mais l'industrie de la cosmétique devra afficher une notation carbone, hein, une empreinte eau, etc. Je ne sais pas quand, mais tout le monde s'y prépare. Et moi, les marques que j'accompagne, en tout cas, on passe par une analyse du cycle de vie pour vérifier justement bah, l'impact de ce projet-là, quoi, de ce produit-là. Le cycle de vie, pour expliquer, ça veut dire qu'on étudie vraiment de la conception à la destruction. C'est de prendre en compte, en fait, en général, c'est six, enfin, c'est ce qu'on connaît de la CV plus classiquement. On connaît six points. Donc le premier c'est la matière première, donc l'extraction. La seconde c'est la fabrication du produit. Ensuite c'est toujours la partie transport, comment sont transportés, etc., les ingrédients, les machins, les produits, les trucs, toute la partie transport à chaque fois. On a la partie aussi distribution, chez qui ça va, comment c'est envoyé, toute cette partie logistique là. Après il y a la partie consommation, donc utilisation chez le consommateur, si c'est un gel douche, un savon, donc c'est un produit rincé. Donc quand on formule un produit, c'est de se dire on va le formuler avec des ingrédients qui sont très facilement rinçables et qui vont pas, par exemple, en shampoing, on va pas avoir 3 tonnes de shampoing de mousse qui sont difficiles à enlever sur un cheveu lisse, par exemple. On va avoir besoin de 3 litres d'eau, c'est pas possible. Donc on doit gérer aussi la formulation avec des ingrédients qui doivent être facilement rinçables pour générer derrière le moins d'eau pris chez le consommateur. Parce que souvent, c'est cette partie-là, consommation d'énergie chez le consommateur, qui va augmenter en fait notre analyse du cycle de vie quand on fait ce travail-là. Et ensuite, il y a la partie fin de vie du produit, où là, on se pose la question, est-ce qu'il va être pris en charge dans les filières, dans les filières de recyclage, est-ce que je vais aider le consommateur dans la gestion du tri? Donc, si je propose un tube de rouge à lèvres en monomatériaux, ça va être plus facile que s'il est en, je sais pas, en bambou et en plastique, où là, du coup, je vais avoir un souci sur la fin de vie mon bambou. On n'a pas de filière de recyclage du bambou ici, on n'est pas en Asie. C'est un matériau qui coûte super cher à l'environnement parce qu'il ne pousse pas en France, enfin en Europe. Il coûte cher à l'environnement déjà dans sa... Enfin voilà, c'est une plante invasive, c'est destructeur, enfin, c'est plein de trucs pas bien. Donc voilà, il y a tout plein de choses à penser en fait à chaque étape de cette analyse de cycle de vie et la fin de vie est vachement importante aujourd'hui, quoi. Le but de ton livre, c'est de sensibiliser le grand public ou plutôt de donner des pistes concrètes plutôt à l'industrie, aux professionnels. C'est un guide pour les professionnels. C'est absolument pas un guide pour le grand public. Le grand public, il n'y connaît rien. Justement, c'est à nous, industriels, de changer la donne pour que le consommateur il comprenne quelque chose, quoi. Mais c'est difficile. Après, le livre, il est accessible. Hein. On est 8 experts à avoir travaillé à avoir écrit dans le livre. On n'a pas un dialogue très scientifique. On a un dialogue très vulgarisé. On traite des sujets très simplement pour expliquer un petit peu qui fait quoi, comment on le fait, etc. Il faut savoir que dans l'industrie de la cosmétique, moi, j'ai beaucoup de clients qui ne proviennent pas forcément de l'industrie de la cosmétique. Donc là, je travaille avec une marque qui fait du textile, enfin de la maroquinerie. Elle n'y connaît rien, mais elle veut développer un produit cosmétique pour aller avec ses produits, les sacs, etc. Donc, elle n'y connaît rien. Elle apprend, etc. Donc, justement, on a ce guide-là aujourd'hui pour ce type de personnes aussi. Donc, même si un consommateur veut le lire par curiosité pour savoir comment c'est fait un produit cosmétique, il peut totalement le lire. Tu co-organises un live par mois sur LinkedIn que vous avez appelé la pause beauté, donc pour parler de toute l'actualité finalement liée à l'industrie. Comment ça a commencé? Alors c'est les lives avec Emmanuelle Dumas, une autre passionnée de beauté, elle plus ancienne que moi. Elle a un très beau background avec des très belles marques et aujourd'hui on est très complémentaires. Elle est plutôt focus sur le marketing des marques, des marques engagées avec une vraie valeur, un ADN fort. En fait, ça a commencé parce que LinkedIn, il y a plus d'un an, il y a bientôt 2 ans, ils nous ont contactés parce qu'ils voulaient faire ils voulaient avoir des... Alors, ils appellent ça LinkedIn for Creators. Créateur, mon anglais il est pitoyable. Et du coup c'était drôle parce qu'ils nous ont dit bah ouais on n'a pas de voilà bon, on a été on fait partie de cette petite famille LinkedIn de créateurs pour LinkedIn. Et donc elle nous a proposé notre mentor LinkedIn nous avait proposé ouais ça serait intéressant de faire des lives parce que vous êtes complémentaires trouvez-vous un sujet et faites ça parce que du coup ça serait générateur de visibilité pour vous. Ok, donc au début on s'est dit why not, on va essayer. Et puis on a essayé et puis on a adoré le faire. Au final c'est quelque chose, c'est des rendez-vous qu'on se donne mensuellement, on fait gratuitement hein, pour LinkedIn. De toi à moi, ça ne nous amène pas plus de visibilité qu'autre chose. Mais par contre, on garde parce que ça fait plus d'un an, on s'entend très bien avec Emmanuel, on est aligné sur plein de trucs. Et puis en fait, ça c'est devenu un peu un rendez-vous de copines où on parle, où on échange par rapport à la... On fait la veille un petit peu de la veille concurrence dans l'industrie pour montrer un petit peu bah tiens les nouvelles marques qui viennent de sortir, on adore son packaging, voilà ce qu'il y a d'intéressant dans cette autre marque de compléments alimentaires. Là il y a une info réglementaire qui vient de sortir pour les parfums, attention, soyez vigilants. On peut parler aussi des prochains événements, on fait souvent un listing à la fin de nos lives sur tous les événements beauté qui vont arriver dans le mois. En ce moment il y a énormément d'événements. Septembre, octobre, novembre, c'est très très dense au niveau de l'industrie. Donc voilà, donc on parle vraiment de tout. D'habitude, c'est tous les deuxièmes lundis de chaque mois. Et je confirme que c'est très très intéressant et instructif quand on est intéressé par le secteur, en effet. Donc c'est cool que vous soyez prise au jeu. Ça reste convivial, voilà. Mais voilà, on n'est pas payé pour le faire. On le fait. Parce qu'on adore ça, parce qu'on est dedans, on voit les marques qui arrivent, on connaît celles qui vont sortir demain, après-demain et même dans 3 ans, on les connaît. On sait tout ce qui se développe, on sait. Enfin, pour nous, c'est très simple en fait de faire ces lives parce qu'on a tous les sujets. Donc voilà. Et pour des nouveaux acteurs, tu vois, qui arrivent, qui se disent ah bah tiens, moi j'ai ma marque qui arrive, qui se lance, etc. Je vais regarder où est-ce que je peux le lancer, la mettre en avant, ou alors tiens, je suis curieux de connaître un petit peu ce qui se passe dans l'industrie de la cosmétique. Voilà, c'est un rendez-vous où on peut avoir quand même pas mal de tuyaux en 30 minutes, quoi. Et une autre de tes casquettes, c'est celle de formatrice. Comment ça se passe? Dit que je faisais de l'éco-conception. Et bah, du coup, il y a des écoles qui m'ont dit, c'est Disipka qui a démarré le sujet, qui m'a proposé. Donc ça, c'était en fin 2021 ou début 2022, je ne sais plus. C'est eux qui m'ont dit, mais en fait, tu as tout. Et puis, tu as exactement le profil qui serait hyper intéressant pour nos étudiants, c'est que tu es entrepreneur. Tu as déjà mis les mains dans le cambouis. Moi, j'ai été associée dans un laboratoire. Je travaille aujourd'hui avec beaucoup de laboratoires en formulation, en production, en tout. J'ai beaucoup de partenaires pour le développement, hein, donc que ce soit en packaging, en réglementation, etc. Enfin bref, j'ai un gros réseau. Et donc, on m'a dit, mais vu que tu as ce gros réseau-là, que ce soit même jusqu'à... J'ai même du réseau côté agriculteur. Je connais beaucoup d'agriculteurs parce que je travaille de la graine à la fin de vie. Donc forcément, j'ai toute cette vision-là. Et c'est eux qui m'ont dit... Donc, les Sipka, c'est une grande école de parfumerie très connue au niveau international et qui est basée à Versailles. Et qui m'ont dit, mais en fait, tu veux pas nous former... former nos élèves et former les professionnels au sein des Sipka. Et donc, j'ai dit, OK, j'ai jamais fait ça, mais je veux bien faire. Je suis déjà intervenante dans les lycées, intervenante dans les écoles, pour parler, témoigner de l'entrepreneuriat au féminin, que c'est pas tous les jours rose, qu'on se prend des gamelles. Moi, ça fait 11 ans maintenant. C'est pas simple tous les jours. Donc, il faut un petit peu casser le mythe de l'entrepreneur qui réussit, qui prend ses vacances aux Bahamas, etc. C'est pas vrai. Je témoigne déjà beaucoup dans les écoles auparavant. Et là, bah, du coup, j'interviens en tant que formatrice, prof dans beaucoup d'écoles. Là, je suis dans 9 écoles cette année. C'est hyper intéressant parce que du coup, la transmission est forte parce qu'on est sur des enjeux forts qui intéressent aussi ces jeunes-là. Du coup, je suis formatrice en éco-conception, en parfumerie, en cosmétique, en complément alimentaire, dans beaucoup d'écoles. Un quotidien riche, bien rempli. Là, ton actualité, tu le disais, le 10, il y a donc la prochaine pause beauté. Est-ce qu'il y a d'autres dates, peut-être? Donc le lendemain, le 11 octobre, c'est le lancement officiel donc de cet ouvrage-là. Et donc, on fait le lancement le 11 octobre à Paris, dans les locaux de Chanel. Ça aussi, ça promet d'être une très belle soirée. Et je le fais avec l'association du CUW, qui est une magnifique association auquel je fais partie depuis ma première marque, depuis 2018, donc ça commence à faire un bail. Mais tout ce qu'ils organisent, c'est canon. Et il y a un très, très beau réseau. On a 3 tables rondes qui seront organisées. J'aurai malheureusement pas tous mes co-auteurs du livre avec moi. Mais voilà, il y en aura certains. Il y aura des marques comme la marque Hulé du groupe Shiseido, qui sera présent, qu'on va interviewer, qui a un très beau concept avec cette marque-là qu'ils ont sorti. Et puis les fermes verticales, hein, en termes de nouvelle agriculture, c'est un très bel exemple de prendre conscience que dans les années à venir, on aura un problème de surface, un problème de climat, et que nos rendements vont réduire, et qu'il faut trouver absolument d'autres sourcings, travailler différemment son sourcing d'ingrédients. Donc Hulé sera là, il y aura aussi la marque SVR, il y aura une très jolie marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Neo by Nature qu'on va interviewer. Voilà, donc on a aussi en face, on mettra toujours en face des experts sur le sujet, que ce soit perturbateurs endocriniens, packaging, réglementation. Comment on fait avec cette réglementation compliquée aujourd'hui, avec des nouvelles agricultures qui arrivent, etc. Enfin, ça va être passionnant. Et ensuite, le 12, je fais le lancement du livre à Disipka, donc à l'école de parfumerie. Et ensuite, voilà, il y a tout un agenda, mais voilà. Merci pour toutes ces infos. Du coup, on va passer à la rubrique « Les auditeurs t'imaginent » puisqu'on fait deviner l'information suivante aujourd'hui aux auditeurs en direct. Quelle activité fait Sandrine dans le prolongement de ses engagements environnementaux ? Responsable de développement durable dans une entreprise, formatrice en développement durable. Ça aurait pu, hein, mais non, moi je suis pas salariée, je suis entrepreneur. Éco-volontariat en Afrique. Éco-volontariat. Okay. Je suis toujours dans cette envie d'en savoir plus, cette envie de savoir de quoi demain sera fait. En gros, c'est toujours moi mon objectif, il est là, hein, c'est offrir un avenir à nos enfants. Le fait de développer OAN, c'est un projet très long. Hein, inventer un matériau, c'est pas simple. Hein, c'est pas sortir un savon solide, quoi. Donc c'est très compliqué, ça prend du temps. En attendant, ce que j'ai trouvé pour offrir un avenir à nos enfants, c'est écrire un bouquin pour partager un peu la bonne nouvelle, on va dire ça comme ça. En tout cas, parler d'éco-conception, parce que pour moi, je crois vraiment à cette méthode-là pour changer et pour préserver au maximum la biodiversité. Et pas que. Et donc à côté, il y a quand même une vie à côté de la cosmétique. Il y a plein de choses qui se passent quand même. Et ce que j'aime faire, c'est de participer à des fresques. Alors je ne sais pas si là les personnes savent de quoi je parle. C'est des fresques type la fresque du climat. Ça a été la première lancée en 2018. Je vois jardinier. Du bénévolat de ses enfants. Non. Je participe beaucoup à des fresques et c'est un outil en fait, alors il en existe beaucoup, mais c'est un outil en fait qui est pédagogique où on va jouer avec d'autres gens à cet atelier-là pour vraiment pour nous sensibiliser aux enjeux climatiques. Et donc là, ça a démarré en 2000. Ouais, moi, j'ai fait le premier peut-être en 2018-2019 sur la fresque du climat. Et ensuite, ce truc-là, ça s'est décuplé. Donc, je vous dis, il y en a beaucoup. Il y en a, je ne sais pas, plus de 50 peut-être, plus de 60, je ne sais rien. Il y en a énormément. Et ça touche tout sujet. Donc, il y a les fresques du plastique pour savoir ce que c'est, quels sont ses impacts sur la santé, l'environnement, etc. Comment on peut trouver des alternatives. Mais déjà, avant de trouver des alternatives, c'est juste comprendre déjà ce que c'est qu'un polymère. Il n'y a pas besoin d'être scientifique hein, pour faire des fresques comme ça. Tout le monde peut le faire. Il y en a qui sont même adaptés à des enfants. Ça reste des ateliers qui sont... ils sont tout publics. Il ne faut pas se dire est-ce que moi, je peux y aller ou pas. Enfin, tout le monde peut y aller. On se prend des claques à la fin. Faut pas avoir peur de. Enfin voilà, on peut atterrir dans un milieu qui peut être un peu anxiogène à un moment donné, en disant ok, c'est grave, mais c'est quoi les solutions ? Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux changer ? Et comment je peux faire changer les autres autour de moi ? Donc voilà, c'est des lieux, des ateliers où on se regroupe, soit petits groupes, soit des grands groupes, etc. Du coup, on rencontre des gens qui ont cette envie d'en savoir plus sur le demain. Qu'est-ce que ça va être, ce monde demain? Et au moins, enfin, on ressort avec des cartes en tête, des actions, en se disant, très bien, maintenant que j'ai compris ça, je sais que je vais faire comme ça dorénavant. Donc, il y en a plein. Voilà. En juin, j'ai fait la fresque du sol pour comprendre comment a été foutu un sol en vrai. Et puis j'ai fait là à la rentrée, j'ai fait la fresque des sols vivants. Et là, c'est vachement complémentaire parce qu'on voit comment nos agriculteurs peinent, comment c'est difficile d'aller vers une agriculture régénératrice. Et puis ça nous touche indirectement, c'est ce qu'on mange quand même. Donc de savoir comment c'est fait, sous quel sol ça grandit. C'est hyper révélateur et puis on prend conscience de certains trucs et on se dit ok, bah là, je vais peut-être arrêter ou là je vais peut-être privilégier tel aliment parce que là je prends conscience que ça va pas forcément, que je ne cautionne pas ça et que voilà, j'ai un petit garçon et il est hors de question qu'il continue à manger des cochonneries par exemple. Et le terme fresque, si j'ai bien compris, c'est parce qu'on a des cartes dans ces ateliers et il y a un côté créatif un peu où on dispose pour interconnecter les éléments. On a des cartes. C'est ça. L'animateur qui nous fait ce jeu-là, il nous explique qu'il a des cartes en main et il nous sort une carte. Et de carte en carte, on va les relier entre elles en se disant, bah tiens, il y a. En fait, tout est systémique en fait. On voit par exemple sur la fresque de l'océan, on va voir. Tout ce qui comporte l'océan en termes de carbone, en termes de biodiversité, le plancton, quel est son rôle à jouer. On va voir certains poissons, certaines espèces, etc. Comment ça fonctionne une tempête liée à l'océan. On peut voir différents trucs. Enfin, c'est tellement vaste que là, ça serait trop réducteur. Mais il faut vivre une fresque en fait pour le comprendre. Et à partir du moment où on en fait une, bah moi j'ai envie d'en faire plusieurs. Enfin, c'est voilà, parce que chaque chose va parler d'un sujet. Donc, fresque du climat va parler du climat. La fresque de l'océan va parler de la fresque va parler de l'océan. Les forêts, bah c'est parler des forêts, etc., etc. Il y en a une qui, alors bon, ça fait un petit peu plus longtemps, je me dis que ça fait 2 ans que je dois la faire. C'est la fresque de numérique. Elle me touche un peu moins, moins, parce que c'est pas mon cœur de métier. Mais par contre, j'utilise le numérique, que ce soit mon téléphone, mon ordi, etc. Donc, ça a un impact. Et là, là pour le coup, moi, j'y connais rien. Je sais que ça a un impact quand j'envoie un mail, ça a un impact. Un mail sans pièce jointe, c'est mieux qu'un mail avec pièce jointe. Donc, il y a plein de trucs, mais du coup, d'avoir des chiffres derrière, de comprendre l'impact que ça a, c'est encore. Enfin, on en ressort toujours plus riche, en fait. Il y a des grosses usines, des gros data centers, etc., qui polluent l'environnement, etc. Enfin, ça aussi, mettre des impacts derrière, prendre conscience de ce que c'est, pour moi, c'est trop loin. Je vois de loin plutôt. Et j'aimerais bien le voir de plus près et prendre conscience pour changer mes habitudes et changer mon mode de fonctionnement. Donc voilà, donc après, il faut regarder dans les listes. Vous tapez liste des fresques. Vous allez tomber sur plein de trucs, mais vraiment, il faut. Il y en a de très, très intéressantes. Il y en a une qui est vachement bien. Et moi, je vous conseille, si vous démarrez par les fresques, c'est déjà faire la fresque du climat en premier et d'enchaîner avec la d'automne. C'est un atelier, alors il s'appelle pas fresque pour le coup, il s'appelle atelier d'automne. Et là, pour le coup, moi, c'est ma préférée parce qu'on sort de là avec des actions. Quand j'ai fait cet atelier d'automne, donc il y a 2 ans, moi, je suis une carnivore. Voilà, je suis une carnivore. Et depuis 10 ans où je fais ma transition écologique, j'ai toujours su qu'à un moment donné, j'allais arrêter de manger de la viande rouge. Mais c'est très difficile de se dire je passe ce cap-là, quoi. Et même si j'étais pas non plus à manger de la viande 2 fois par jour, etc. Mais au moins une fois par semaine, déjà, c'était ce que je faisais tout le temps. Une fois par semaine, et c'était déjà trop. Et à chaque fois, je repoussais le truc en me disant, bon, demain, on verra demain. 10 ans s'est écoulé, je mangeais encore de la viande. Et quand j'ai fait cet atelier d'automne, j'étais avec un groupe aussi génial. Après, voilà, c'est quand on fait des ateliers aussi, on est toujours avec des groupes qui emmènent, qui fédèrent et qui nous font bouger aussi. C'est toujours ça aussi l'histoire d'un groupe, d'un collectif. À la fin de cet atelier d'automne, bah moi, je me suis pris une grosse claque dans la tronche parce que j'ai vu que mes émissions étaient vachement fortement liées à ma consommation de viande rouge. Si l'objectif est de réduire à 2 tonnes ma consommation en tant que parisienne, etc., vivant dans une ville, voilà, et bah du coup, il fallait que je supprime. Ouais, moi, dans ma consommation, c'est le levier. Et bah, il fallait que je supprime la viande rouge de mon alimentation. Donc voilà, ça a été. Puis derrière notre groupe, on a été vraiment top parce qu'on est toujours en contact jusqu'à présent à se dire est-ce que vous tenez les gars, parce que c'est pas simple. Il y a des tentations dans tous les sens, etc. Et on s'aide. Voilà, de temps en temps, on se dit alors ça va. Il y en a un qui a déménagé, il a quitté Paris parce qu'il a pris conscience que sa villa, etc. Machin, c'était pas possible. Donc il a carrément déménagé. Moi, j'ai pris la décision d'arrêter la viande rouge et jusqu'à présent, je n'ai jamais touché. Il y a une nana aussi qui a vendu sa voiture. Le lendemain, elle a mis sa voiture en vente. Et elle s'est dit, OK, moi, je peux aller au travail en fait en vélo. Bah ouais, ça me fait quoi, une demi-heure de vélo, c'est pas la mort. Il y a eu beaucoup de prises de conscience et des gens où ça a été un marqueur fort aussi dans leur vie en se disant, bah en fait, on peut le faire, quoi. hyper efficace. Quand on y va, on sait déjà, on est curieux, mais ça veut dire qu'on y va aussi déjà avec, avec un petit peu de recul, avec une sensibilité. Mais sensibilité, c'est dire que déjà. J'ai déjà envie de faire quelque chose. Déjà, le premier geste, c'est d'aller me renseigner, d'aller apprendre. Et ça, c'est déjà le premier geste à faire, c'est se renseigner, c'est de dire demain, ça sera fait comment. Ça pique ma curiosité. Je pense que je vais regarder. Le premier pas, c'est d'avoir conscience des choses, en fait, pour consommer en toute conscience, etc. Et parfois, on est un peu perdu dans toutes les informations. Et là, ça a l'air fois ludique et en même temps très pédagogique. Ça sensibilise déjà. Il y en a qui peuvent très bien se dire, ouais, j'ai pas envie d'entendre des trucs pas sympas pour l'avenir, etc. C'est peut-être un peu trop anxiogène, etc. Ben ouais, mais enfin, à un moment donné, il faut enlever les œillères, hein. C'est juste demain. Hein. Ouais, c'est des sujets sérieux, intéressants en même temps. Et il y a des solutions à notre échelle. On peut tous avoir des actions. Ah ben, c'est ça, la morale. C'est pire que ça, Alice. Agir. On a les solutions avec nous. C'est juste, on ne sait pas, comment les mettre en place, par quoi commencer, etc. C'est juste ça, c'est le premier déclic. La phase 1, comment on fait, quoi. On est plein hein, qui des fois en conférence, etc., où je rencontre des gens, à chaque fois on me dit, mais comment, tu as commencé par quoi? Moi je sais que je dois faire un truc, mais je ne sais pas par quoi commencer, c'est trop grand, le chantier est immense. Et le premier truc, bah, c'est se renseigner, se former, apprendre. Et après, c'est apprendre à dire non. Et là, c'est peut-être le plus gros exercice. Mais moi, je le prends via la salle de bain, en se disant que bah, je vois un pack en plastique vis-à-vis comparé à un produit solide ou poudre, et bah, c'est dire non au plastique. Parce que derrière, en solide, il y a aussi c'est du bon solide et du pas solide, du pas bon solide. Mais donc, c'est faire déjà, voilà, c'est se dire j'y vais pièce par pièce dans ma maison, comment je peux aussi décarboner à mon niveau. Et je commence chez moi, par où? Quelle pièce? On va prendre le truc. Moi, j'ai démarré dans la salle de bain. Après, j'ai attaqué ma cuisine. Et voilà. Donc, tu vois, j'ai pas de tupperware en plastique. J'ai pas de passoire en silicone bien trop. Voilà. J'ai de l'acier, de l'inox et du verre. C'est tout. Oui, c'est faisable une fois qu'on décide de le faire. Ça se vend très bien aussi. Tout existe. Il y a pas où on revient en arrière. Je vais dire 15 ans, où on se disait, je me nettoie le visage avec quoi à part le coton, bien chimique, bien blanc, bien machin, je me nettoie le visage avec quoi? Eh ben, t'as des lingettes, t'as plein de techniques, il y a plein de trucs. Maintenant, il y a des démaquillants solides, donc t'as même plus besoin de quoi que ce soit. Enfin, il y a des solutions. Aujourd'hui, il y en a même trop, j'ai envie de dire. C'est peut-être ça. C'est de se dire, ok, rebelote, on arrive, il y a tellement de propositions sur le marché que bah, il y en a peut-être trop, je ne sais pas par quoi commencer. Ça fait réfléchir. Merci beaucoup Sandrine de nous avoir raconté tout ton travail engagé. Je pense que nos auditeurs ont des choses à mûrir. Pour ma part aussi, je vais me renseigner sur les fresques. Chers auditeurs, merci d'avoir imaginé ma belle invitée Sandrine aujourd'hui. Vous pouvez donc suivre ses aventures sur son compte Instagram Oane déjà, ainsi que sur son compte LinkedIn, Sandrine Lecointe. Et le livre « Le guide de l'éco-conception cosmétique » est disponible du coup en librairie, c'est ça ? Aujourd'hui, donc du coup, il se retrouve partout, dans toutes les librairies, en France, en Belgique, au Luxembourg et même au Canada. Du coup, il est dispo dans toutes les librairies. Et pour ma part, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre mes prochaines émissions. Et rendez-vous sur mon blog Beauté Imaginée pour tous les replays des podcasts notamment. Dernière question peut-être Sandrine, est-ce que pour une prochaine interview de Beauté Imaginée, tu penses à quelqu'un qui pourrait faire un bel invité ici ? Beauté Imaginée, je peux t'en faire une belle liste. Je t'écoute. qui pourrait être dans ton univers. Il y a Rose Pirate hein, qui fait un chouette travail aussi avec le refil de rouge à lèvres. J'adore ce qu'elle fait. C'est un beau concept où on évite de jeter. Donc, tu vois, tu as un bel étui de rouge à lèvres. Ton rouge à lèvres est fini. Et ben, après, tu en fais quoi? Et souvent, tu prends du Dior, du Chanel, etc. C'est souvent avec des matériaux précieux. Elle propose de nettoyer, de stériliser et de remplacer ton rouge à lèvres par un baume à lèvres dans ton étui. Il y a des parfums aussi, il y a Flora Tropia qui fait, j'adore ce qu'elle fait, faut regarder, c'est une jolie maison française de parfumerie où tout est pensé vraiment éco-conception, les ingrédients sont sourcés, il y a un vrai travail